Le Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée a publié le 21 le livre blanc pour dénoncer les dessous criminels de la politique envers le nord de la traîtresse Bakounet, ses conséquences catastrophiques et les menées frénétiques de la bande des conservateurs sud-coréens qui persistent dans la politique de confrontation contre notre République afin de la léguer au prochain pouvoir en ce que leur dessein sournois. Le livre blanc révèle que la politique envers le nord du pouvoir conservateur est une théorie scélérate de confrontation de régimes, de guerre contre le nord et de suivisme aux forces étrangères, et que les conséquences catastrophiques des rapports intercoréens à cause de cette politique et son maintien sont les efforts désespérés de ceux qui sont au seuil de la ruine.